Il était une bergère, ron, petit patapon. Il était une bergère qui gardait ses moutons, qui gardait ses moutons. Elle fit un fromage, et ron, petit patapon. Elle fit un fromage du lait de ses moutons, ron, du lait de ses moutons. Le chat qui la regarde, et ron, petit patapon. Le chat qui la regarde, de petit air fripon, de petit air fripon. Si tu y mets la pâte, et ron, petit patapon. Si tu y mets la pâte, tu auras du bâton, ron, tu auras du bâton. Il n'y mit pas la pâte, et ron, petit patapon. Il n'y mit pas la pâte, il y mit le menton, ron, ron. Il y mit le menton. La bergère en colère, et ron, petit patapon. La bergère en colère lui donna du bâton, ron, ron, lui donna du bâton. Oh, oh, Milou. Mais.